Chapitre 13. Madame d'Argonne avait dit à son mari une partie de ce qui s'était passé entre Morière et elle, lui laissant entendre seulement que le marquis lui faisait la cour avec des allusions à un voyage possible si elle le repoussait. Jacques, naïvement sûr de l'amour de Christiane, et cramponné à cette idée que l'admiration de Morière était la cause de son succès, avait insisté pour qu'elle le retînt à Paris. Et Christiane, qui ne comprenait même pas que l'on rêvât au fond de soi ces petites combinaisons louches, ces petits projets honteux, admettait encore moins que l'on confiât ces combinaisons et ces projets à qui que ce fût. Le cynisme de Jacques la déconcertait absolument, et puis aussi, il était vraiment trop confiant. Il avait l'air de ne pas se douter que M. de Morière fût très charmant, et qu'il y eût au jeu qu'elle jouait un danger sérieux. Depuis sa rencontre au bois, elle pensait beaucoup à André. Elle croyait qu'il l'aimait, et elle était flattée et touchée de cet amour. Il se produisait en elle un trouble singulier de vision, qui lui faisait mêler et confondre les images de son mari et de Morière. Si elle pensait à l'un, elle voyait apparaître l'autre et finissait son rêve sans que son regard se fût en quelque sorte déplacé. Ils avaient les mêmes gentillesses correctes, élégantes et câlines, les mêmes défauts négatifs, un peu irritants par leur mesquinerie. Leur façon de saluer, de s'habiller, de causer était identique. Christiane savait que, dans la même circonstance, elle entendrait dire la même phrase soit par Morière, soit par son mari. La pensée qu'elle pourrait causer un chagrin à Jacques la bouleversait, et l'idée que peut-être André souffrait par elle lui était insupportable. Depuis 2 mois, il se trouvait si étroitement mêlé à sa vie. Elle passait si peu d'instants loin de lui qu'elle avait fini par s'accoutumer à sa présence, par avoir besoin de son admiration discrète, de ses attentions gentilles. Lorsque, dans la petite allée du bois, il lui disait « Je vais partir », elle avait réellement peur. Était-ce possible? Il partirait? Elle ne le verrait plus? Plus du tout? Le soir, en entrant chez le comte Salomon, elle regarda tout de suite autour d'elle avec inquiétude, et quand elle aperçut M. de Morière qui causait avec Chani, elle fut comme soulagée. L'hôtel du banquier était très beau, un grand luxe, beaucoup de jolies choses et très peu de fausses notes. Il avait su choisir des amis intelligents, des gens de goût, qui lui donnaient des conseils ou même, moyennant d'exorbitantes commissions, mettaient eux-mêmes la main à la pâte, plaçant où il fallait les bibelots achetés par eux. Ce soir-là, le comte Salomon exultait, à tel point qu'il avait la faiblesse de le laisser voir. Mais les bouillons se firent un peu attendre et aussitôt il s'affola, attristant et grotesque dans son effarement, se creusant la tête pour trouver des prétextes à ce retard, convaincu au fond que la grosse femme, qui lui paraissait une très grande dame, n'avait pas au dernier moment voulu se galvauder chez lui. Et quand le petit Frühling, invité aussi, bien entendu, entra, promenant autour du salon ses beaux yeux limpides, il faillit lui sauter au cou. L'arrivée du jeune homme annonçait la venue prochaine de la princesse. Elle ne lui permettait plus d'aller nulle part sans elle, et elle s'arrangeait pour qu'il la précédât ou la suivît immédiatement. Madame de Vaunancourt, qui avait vu à quel point son amabilité pour le petit Alsacien exaspérait la jalousie de Madame de Bouillon, se faisait un plaisir de l'attirer et de le retenir près d'elle pendant des soirées entières. Très fin, très futé, infiniment roublard, le petit Frühling qui avait toléré les assiduités de la princesse pour se faufiler dans un monde où il ne fut jamais entré sans elle, commençait à en avoir par-dessus la tête de cette grosse mère de 50 ans qui lui tapotait les tempes en s'asseyant sur ses genoux et se donnait à lui avec des effarements d'ingénue et des enfantillages de gamine. Il trouvait que Madame de Vaunancourt, jolie, élégante, battant son plein, était tout à fait la femme qu'il lui fallait à présent pour parfaire son lancement encore inachevé. Et il méditait d'envoyer carrément promener la pauvre princesse qui, sans méfiance, attachait sur lui, démesurément ouvert, ses gros yeux trop clairs, des yeux superbes, un peu des yeux de ruminant. À peine entré, M. Frühling pria le banquier de le présenter au comte Dupuis. Il savait Dupuis un personnage tout à fait louche, d'origine inconnue et de ressources incertaines, mais qui jouissait d'une notoriété, d'un prestige même fort appréciable. Démolissant ou échafaudant de toutes pièces les situations, égratignant, sans paraître y toucher, les réputations les plus inattaquables. Le jeune protestant tenait à s'assurer la protection du comte Dupuis. Il fallait cela pour le club. Après, il le lâcherait dès que faire se pourrait. Le quart d'heure qui précéda le dîner fut silencieux. Chacun pensait à part soi à ses petites affaires. Monsieur de Morière, heureux de revoir Christiane, très amoureux, très vraiment emballé, se demandait si elle serait à lui jamais. Il comprenait vaguement le rôle qu'elle lui avait fait jouer dans sa vie, et il n'entendait pas s'en contenter. Monsieur d'Argonne regardait sa femme, ravi de l'avoir enfin occupée dans le monde la situation à laquelle elle avait tant de droits. Il était heureux et reconnaissant aussi à André qui, croyait-il, avait opéré ce miracle. Monsieur de Treuil, lui, rageait tant qu'il pouvait. Au moment de sortir, il venait encore de recevoir une lettre de Blanche Lacombe, lui réclamant impérieusement sa clé. Il ne voyait dans cette réclamation qu'un moyen de lui signifier un congé définitif. La possession de la clé n'étant absolument rien en elle-même, mais il s'entêtait. Il ne voulait pas renoncer à la danseuse et venait de lui répondre une lettre à cheval, comme il disait, pour lui annoncer qu'il ne rendrait pas la clé. Et il ressassait dans son pauvre cerveau étroit les péripéties de la rupture. C'est égal, il ne s'attendait guère à ça. Et pour son beau-père encore, un mufle, qui avait certainement beaucoup plus d'argent que lui, mais qui devait en donner beaucoup moins. Quant à madame de Givray, elle se répétait en regardant Dupuis et Dantin, qui potinaient dans un coin, « Pourvu que je ne sois pas à côté d'un de ces deux-là, à table. » Le petit Fröhling avait rejoint madame de Vonancourt et, assis à ses pieds sur une chaise basse, lui susurrait d'une voix douce de jolies banalités sentimentales qu'elle écoutait, l'air rêveur, presque attendri, en réalité uniquement désireuse d'inquiéter madame de Bouillon de qui elle guettait l'entrée. Bonancourt, très absorbé, cherchait un moyen de se faire inviter à Deauville chez les Bouillon pendant la semaine des courses. Le chalet des Glycines était le rendez-vous de toutes les élégances, et il tenait à voir figurer son nom aux écomondins parmi ceux des invités sélects. La baronne, froissée et stupéfaite du brusque changement de Morière, épiait chacun de ses mouvements, voulant voir si madame d'Argonne était, comme elle le soupçonnait, la cause de ce changement qui la navrait. Pour la première fois, son indolence orientale l'abandonnait, et son affectation de flegme anglais se relâchait. Elle écoutait et regardait avidement, cherchant la voix. Christiane, délicatement jolie dans un nuage de chiffon d'un blanc laiteux, s'énervait à penser à Morière. Elle se reprochait son attitude envers lui, s'avouant que, pour le garder près d'elle, elle lui avait, sinon promis, du moins laissé espérer beaucoup. Il lui répugnait d'être, pour la première fois, déloyal. Et puis, un mot de Monteau venait de l'avertir que le prêteur était trouvé, et qu'elle pourrait ou lui parler ou charger quelqu'un de ce soin. Elle avait répondu au couturier, en le priant de se charger de tout et de prendre en son nom des arrangements. Elle paierait les intérêts et rembourserait la somme dans 10 ans ou avant, si elle héritait plus tôt. La tante de Bracieux avait 78 ans et depuis longtemps déjà, les médecins qui chaque hiver l'envoyaient à Antibes affirmaient chaque hiver aussi qu'elle n'en reviendrait probablement pas. Madame d'Argonne jugeait que cela ne durerait pas plus de 10 ans et qu'elle pouvait s'engager pour cette date. Et à côté du visage froncé de rides de la vieille femme, qui lui apparaissait dans l'auréole frisée de ses fins cheveux blancs, des silhouettes longues et distinguées de Jacques et d'André, qui se mêlaient dans sa pensée et dans ses yeux, de la face plate et canaille du couturier, vautré sur le divan du petit salon, attendant au milieu des chiffons et des glaces l'essayage à venir, elle voyait un petit être vague et rose posé dans les dentelles, sous les mousselines des rideaux, ou dans les bras d'une belle nounou à ruban, avec de larges bandeaux chocolat et des épaules de portefaix sous la grande pèlerine claire. Elle pensait qu'un enfant changerait toute sa vie, et elle en voulait à son mari de lui refuser cette joie, pour conserver intacte la beauté qui faisait partie de son luxe et de son bagage de chic. Chani admirait madame d'Argonne et se demandait comment son amie Morière, habituellement si peu patient, s'accommodait du rôle qu'elle lui faisait jouer. Le comte Salomon, très empressé, très aimable, mais au fond navré du retard qui compromettait l'excellence de son dîner, regardait alternativement du même œil d'angoisse la pendule et la porte. Enfin, les Bouillon firent une de ces entrées dont ils ont la spécialité. La princesse, rouge, épanouie dans un ruissellement de bijoux, demanda, élargissant en entrée de caverne sa bouche extraordinaire, « Nous ne sommes pas en retard !» Tandis que son mari, dans son importance stupide et tranquille, ajoutait l'air condescendant, « Si, un peu, n'est-ce pas ? C'est ma femme qui ne peut pas rentrer à l'heure. Ça lui est impossible. Je ne sais pas ce qu'elle fait. » Les énormes joues de la princesse devinrent violettes, pendant qu'elle répondait en louchant furtivement sur le petit Fruling. « Mais je ne fais rien, rien du tout. » Quoi qu'il fût attendu, le dîner était exquis et les vins merveilleux. La petite de Givray, placée entre le banquier et Chani, s'amusait de la satisfaction intense qui illuminait le gros visage sanguinolent du père d'Agar. Il était vraiment heureux. Heureux à ce point qu'il oubliait toute rancune. Il avait invité Dupuis, son ennemi intime, à venir contempler son apothéose. Rosette regardait deux très beaux portraits qu'il lui semblait reconnaître. Éclairés par des torchères, ils se détachaient en face d'elle sur le fond sombre de la tapisserie à verdure. Monsieur Salomon demanda « Ils sont beaux, n'est-ce pas ?»« Ce sont les ancêtres de mon gendre. » Treuil, agacé, fit un mouvement et le banquier ajouta « Que j'ai trouvé dans une vente. » La petite de Givray eut envie de rire. Elle se rappelait l'histoire des portraits qu'autrefois elle avait admirés dans le grand salon des Treuil au parc Monceau. Le baron, après une culotte que le père Salomon refusait absolument de payer, avait imaginé de lui dire, espérant le déterminer, qu'il allait être obligé de vendre ces deux portraits qui valaient très cher. Il savait que son beau-père avait un culte pour ces deux guerriers devenus les ancêtres d'Agar, et tenait à eux autant qu'au parchemin et au château Renaissance qui cachait ses toits pointus et ses dentelles de granit dans un triste coin de la Seine inférieure. Il croyait, pour ne pas laisser partir ses ancêtres respectés, le banquier paierait les 25 000 francs qui pour lui n'étaient qu'une misère. Mais le père Salomon ne broncha pas et répondit délibérément à son gendre ahuri « Vendez vos parents si vous voulez, ça ne m'étonnera pas de vous. » Treuil, enragé dans ses luttes contre le financier, en voulut avoir le dernier mot. Il fit placer les aïeux dans une grande vente. Le comte Salomon les racheta fort cher et les accrocha chez lui où, disait-il, ils étaient au moins sûrs de rester en paix jusqu'au jour où il les rendrait à ses petits-enfants, s'il en avait. « Celui-ci, » fit-il en indiquant un des ancêtres à Rosette, « c'est Jean-Guillaume, baron de Treuil, capitaine des armées du roi Louis XI. Celui-là, c'est Pierre-Guillaume, baron de Treuil, dont son costume de croisée, l'épée d'une main, la bannière de l'autre. » Et il ajouta avec respect, « c'est égal, ça a de l'œil, une famille comme ça. » Pour dire quelque chose, madame de Givray demanda « À quelle croisade était Pierre-Guillaume de Treuil ?» Le banquier la regarda d'un air froissé et répondit sèchement « Mais à toutes, je pense. » Il n'admettait pas que l'ancêtre dont il avait payé très cher la descendance pour sa fille et l'image pour lui ne fût pas absolument ce qui se faisait de mieux, et l'idée que Pierre-Guillaume avait pu étouffer une croisade le révoltait. À ce compte-là, il était volé. Comme la petite de Givray riait de toutes ses dents, il reprit « Oui, ça vous fait rire. Vous ne comprenez pas que moi, roturier d'origine, j'attache une telle importance à ces choses. » Elle protesta, convaincue « Mais non, je vous assure que ça ne m'étonne pas du tout, au contraire. » « Voyez-vous, poursuivit le comte Salomon, la noblesse, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que c'est la seule chose qui ne puisse pas s'acheter, pour un homme, s'entend. » Et comme elle faisait un mouvement, « Oh, mon titre! Vous savez bien que ça ne compte pas, ces titres-là, excepté pour les reporters et les fournisseurs. Autrement, non. C'est Agar qui m'a fait faire cette bêtise. Ça ne m'a rien ajouté du tout, moi-même, je n'y crois pas, à mon titre. » Rosette l'écoutait surprise. Elle ne s'imaginait pas que le banquier eût le sentiment des nuances, et pourtant il l'avait. Il tenait à ce qu'on lui donnât toujours le titre qu'il avait acheté, mais il savait fort bien que ce titre ne valait rien tout de même. Son rêve eût été de naître dans ce monde privilégié auquel il reconnaissait le droit de mépriser le sien. Il eût donné sans hésiter son argent, sa fille et sa religion pour voir des ancêtres compagnons de Saint-Louis, prisonniers des Sarrasins, et des grands-mères poudrées avec des mouches et des paniers, de délicates et fragiles grands-mères de qui la Révolution eût coupé les jolis coups blancs. Sa singulière ignorance grandissait toutes les choses qui tenaient à l'histoire et leur donnait des proportions gigantesques. Il avait la manie du panache poussé au dernier degré. Comme la combe première, il respectait les souverains et tout ce qui tenait à eux. Mais lui ne gobait pas comme elle les êtres grotesques qui les ont remplacés. Arrivé d'Allemagne, à Paris la veille de la guerre, Salomon Rabe, devenu le comte Salomon tout court, faillit en repartir le lendemain. il n'admettait pas une ville sans cour. Il avait attendu, comptant d'abord sur la restauration orléaniste, espérant ensuite que l'Empire reviendrait, et finalement il l'attendait depuis 25 ans sans voir revenir rien qui réalisât ses rêves. La voix d'Antin s'élevait au bout de la table. « Mais non, c'est banal aussi, le salsifis. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'épatant. » Dupuis demanda « Quoi donc ?»« Je serai en mourant pour les petits oiseaux. » Bonancourt dit « Ça sera bien vert. »« Vert, que non, vous n'y êtes pas. Je serai couvert de petites frisures vertes, à toutes petites fleurs rouges imperceptibles, un vrai mouron, enfin. »« J'entends bien. » »« C'est pas tout. Je serai dans une cage, une vraie aussi, en filigrane argenté. J'ai commandé une vraie cage à serin, en grand. » Dupuis remarqua en riant « Dantin qui se met dans ses meubles. » Dantin continua sans prendre garde. « Par les barreaux, je passerai le bras droit et puis la jambe gauche, couvert de mourons. Ce sera comme quand on accroche le mouron en cage et puis on me fait un morceau de sucre gros comme ma tête en carton. Et un échaudé gros comme moi, dans la cage, une trentaine de serins. Vous verrez ça. » Toute la table maintenant écoutait, très intéressée. Janie demanda « Je croyais que vous étiez un des porteurs du palanquin. »« Oui, mais M. Fröhling veut bien me remplacer. » Le jeune ami de la princesse s'inclina en souriant, et M. de Bouillon, tout heureux, dit à Mme de Treuil « On n'imagine pas ce qu'il se fait vite, ce petit bonhomme-là. En un rien de temps, il est tout à fait dégrossi. » Bonancourt conclut « Je parie que dans 6 mois, il mènera tout le monde. » Un peu rose, mais sans que rien bougeât dans sa physionomie, Poupine, avec une nuance de rigidité, le petit protestant écoutait une partie de ce qu'on disait de lui et devinait le reste. Il parlait peu et observait beaucoup, en mangeant de bon appétit, d'un air de petit chat qui boit du lait, tandis que la grosse princesse se rengorgeait avec une modeste fierté. Chagny se pencha vers la petite de Givray, et lui montrant Madame de Bouillon, son mari et son jeune favori, lui dit en riant « C'est égal, c'est tout de même drôle. » Elle répondit « Très drôle, mais ça ne gêne personne. Ma foi non, pas même Bouillon. Surtout pas Bouillon. » Il demanda « Ne trouvez-vous pas que votre ami d'Argonne perd un peu de sa belle sérénité depuis quelque temps ?»« Si. » »« Ah, Morière, n'est-ce pas ?»« Rien du tout. J'entends rien de positif. Mais je crois qu'André est très toqué d'elle, et qu'elle s'occupe de lui beaucoup plus qu'il ne faudrait. »« Ah, vous ne pensez pas que c'est un flirt purement mondain ?» « Non, je crois que c'est un emballement tout physique qui pousse André vers elle, et au contraire un sentiment très tendre, très vrai, qui la lui mettra dans les bras, du moins je le crains. Pourquoi le craignez-vous? Dieu les a fait l'un pour l'autre. Alors il aurait mieux fait de les réunir plus tôt. » Le comte Salomon se levait, courbant en anse devant la princesse son gros bras court au contour mou et rondouillard. Au salon, la discussion recommença sur le costume d'Antin, le mouron, la cage, etc., etc. Dupuis, maintenant, le blaguait. Et Rosette regardait le comte Dupuis, de l'air surpris particulier au myope, qui relève les sourcils, cherchant à distinguer vaguement quelque chose. À la fin, elle dit « Je ne l'aime pas, monsieur Dupuis, et vous ?» Chagny s'était éloigné avec madame d'Argonne. Ce fut Treuil qui répondit évasivement « Mon Dieu, il a son chic. » « Eh bien, je n'aime pas son chic. » Treuil conclut bienveillamment, en regardant le comte avec une sorte d'admiration. « Et puis, il n'y a pas à dire. Il n'en a pas un comme lui pour rouler les fournisseurs. » Morière s'était approché de Christiane. Chagny, qui lui parlait, s'écarta au bout d'un instant, avec cette discrétion mondaine qui frise l'impertinence, et les laissa seuls dans un coin retiré du salon. Alors André demanda doucement d'une voix qui suppliait « « Je vous en prie. » Elle baissa les yeux, regardant sans répondre le bout effilé de son soulier de suède blanc. Il reprit « Vous le permettez, n'est-ce pas, de vous aimer? D'ailleurs, vous ne devez pas, vous ne devez plus m'en empêcher. » Elle voulait protester, il l'arrêta. « Non, je vous ai dit que je ne pouvais plus vivre sans vous, que j'allais partir si je ne vous avais pas à moi. Et vous m'avez demandé de rester, rappelez-vous, rappelez-vous, dites. » Elle répondit, suppliante aussi. « Oui, c'est vrai. Mais j'étais folle. Je ne savais plus ce que je disais. Il ne fallait pas y attacher d'importance. » Ne pas croire des choses qui ne sont pas. » Il demanda, les yeux pénétrants, l'accent douloureux. « Vous me détestez donc, que vous me faites tant de mal ?»« Je ne veux pas vous faire de mal. » Il dit, la voix changée, le regard durci tout à coup. « Vraiment ?»« Alors là, tout de bon, vous croyez que vous n'avez pas été coquette ?»« Vous croyez que vous ne m'avez pas fait espérer ce que vous me refusez aujourd'hui ?»« 20 fois vous avez changé votre façon d'être avec moi, tantôt pleine de franchise et de grâce, tantôt vous reprenant, en quelque sorte, pour me revenir ensuite avec plus d'abandon. Non, je vous assure que je n'ai pas été coquette, que je n'ai pas voulu l'être, du moins... Allons donc. Vous avez voulu me garder près de vous, me traîner dans votre sillage. Il faut ça pour poser une jolie femme. Je suis plus honorable que Dupuis, moins embêtant que Treuil ou Venancourt, et plus décoratif que Chagny. C'est pour ça que vous m'avez choisi, voilà tout. Il ajouta d'une voix qui semblait venir de très loin, « Et que je suis malheureux, très malheureux. » Elle regardait, prise d'une pitié tendre, ce beau grand garçon qui balbutiait, prêt à pleurer. C'était vrai, tout ce qu'il venait de lui dire. Il devinait le mobile très bas qui l'avait fait agir ainsi, et elle se disait qu'elle n'avait pas le droit de le faire souffrir. Alors qu'il lui avait donné tout ce qu'elle attendait de lui, elle devait elle aussi donner ce qu'elle avait fait espérer. Elle s'avouait qu'il pouvait se croire aimé et se demandait si elle ne l'aimait pas tout de bon, étonnée de ressentir, en le voyant malheureux, un chagrin réel, presque violent, dont l'intensité l'inquiétait. Elle regarda son mari, qui causait sous un palmier avec Madame de Treuil. Sa silhouette se fondit dans son regard avec celle de Morière. Et cette fois encore, elle pensa, « Si j'avais un enfant, pourtant... » Rien de tout ça n'existerait plus pour moi. Je ne verrais plus rien, rien que lui. À ce moment, André demanda, « Dites-moi oui. Voulez-vous, dites, dites. » Elle murmura, « Non, pas maintenant, pas ce soir, demain. » Au retour, dans le coupé, à brûle-pourpoint, elle dit résolument à Jacques, « Écoute Jacques, je veux un enfant, tu m'entends ?» Il répondit, l'embrassant et riant de son large sourire, « En voilà une idée. Pourquoi ça te prend-il ce soir, cette idée saugrenue? À quel propos ?»« Tu sais bien que je ne pense qu'à ça. » Il haussa les épaules. « Pour t'abîmer, n'est-ce pas ?» Elle cria, « Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu me fais horreur quand tu dis ça. » « Je ne veux pas dire que nous n'en aurons pas du tout, mais attends, attends. Tu es trop jolie comme te voilà. Nous avons bien le temps. » Et après un silence, il ajouta, ne se doutant pas qu'elle pleurait dans l'ombre. « Et puis, je t'en prie, sérieusement, perdons l'habitude de nous tutoyer quand il y a du monde. » Elle répondit, docile, décidée maintenant à céder en tout. « Nous ferons ce que tu voudras. »